Et maintenant, pardon. Non, vraiment, c'est sensible aujourd'hui. maintenant, on va enchaîner avec la chronique du dernier souffle, qui est la nouvelle chronique pour ces trois derniers jours du festival, réalisée par Vania Jaikin Miyazaki. Et voilà. Ben, surtout, on nous parle d'un épisode assez intéressant. On nous parle du dernier souffle de la Cornemuse. Et on va avoir à nouveau le plaisir d'entendre la voix, les explications et les sons de Lise Barkas. Lise, le bourdon, il sort par où ? Celui-là, là. Tu peux allumer un bourdon. Le boucher ou le déboucher ? Aujourd'hui, dans cette chronique, on se met à la recherche du mystérieux dernier souffle de la Cornemuse de Lise Barkas. Dernier essai. Allez. Oups. Si, il y a aussi une autre note de la dernière chance que je pourrais essayer de faire après. Bon. On dirait qu'on est en train de l'ausculter. Ouais, un petit peu. Avec un stéthoscope. Peut-être qu'il y a encore un peu trop encore. C'est une expérience. Si je trouve, il faut la mettre dans une certaine position, je sais pas. Franchement, c'est un grand mystère, quoi. Grand mystère de la vie de la Cornemuse. C'est génial. De cette Cornemuse. Elle a un nom ? Non, pas vraiment. Enfin, elle a son nom de Cornemuse. C'est une Cornemuse bourbonnaise, mais sinon, elle a pas son petit nom, elle. Raconte-moi, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Eh ben, j'essaie de faire le son que je n'arrive pas à jouer avec cette Cornemuse, et qu'elle joue toute seule des fois, quand j'arrive tout au bout, quand j'ai fini de jouer, qu'il n'y a plus beaucoup d'air dedans, et qu'au bout d'un moment je la pose, ou alors je la garde entre les mains sans la jouer, et qu'elle émet un petit son, un son tout doux que j'ai jamais réussi à reproduire volontairement. En fait, je ne sais pas exactement comment est fait ce son, je ne sais pas si c'est de l'air qui passe dedans, ou si c'est l'anche qui bouge à un certain moment, genre qui se remet en place, j'ai aucune idée en fait. Et j'ai même pas vraiment réussi à tout à fait le localiser. Je sais pas si ça se passe dans le boîtier de l'anche ou si ça sort par là, par le bout du tuyau. C'est un peu étrange. En tout cas, je sais que c'est ce bourdon qui le produit. Mais de quelle manière ? Pourquoi ? Et pourquoi quand il y a plus beaucoup d'air dedans ou quand j'arrête de jouer ? Ça, c'est un mystère pour l'instant. Je vais essayer. Une certaine pression ou pas, j'ai jamais trop compris pourquoi des fois ça le fait et des fois pas. Génial, ton instrument est encore mystérieux pour toi. Oui, après combien d'années Après, alors j'attends, j'ai commencé quand ? En 2013, donc un peu plus de 10 ans, 11 ans. Non, c'est vraiment un petit son. Mais là, je le tends. Et des fois, c'est par surprise, comme ça. Elle est vivante. Ouais. Franchement, c'est un animal, ce truc. Je vais faire de l'anche à l'autre anche qui sonne un peu plus fort. On sait jamais, ça sera peut-être ça. Ah ouais. Maintenant, on va les laisser tranquilles. Même pas celui-là. On dirait que c'est ça, mais c'est encore après. Ça, c'est encore de l'air, ça, je sais qu'il passe par là, quand ça fait ça. Je sais pas si on aura droit au son. En tout cas, elle bouge encore. Oui. pourrait encore. Mais... Et donc c'est un son que tu peux pas utiliser comme musicienne. C'est ça, exactement. C'est juste un son qu'elle fait des fois quand elle a envie. Et que j'aime bien, j'aimerais bien l'enregistrer un jour, juste le choper et me dire, ah voilà, je peux en faire quelque chose peut-être, enregistrer peut-être. Le mettre en loop, le dernier souffle de ta cornemuse en loop. Voilà. Mais en tout cas, ça fait un peu un, ça fait un espèce de... Comment ? De râle tout doux, genre. Vraiment tout flûté comme ça. Pas le même que ça, là, ça faisait un peu... Alors, Là, on aurait dit un chevreau. Ouais, voilà. Ou un mouton qui bêlait au loin. Voilà, ça, je sais comment le faire. Facile. Un peu en sous-pression, comme ça. Là, on dirait une moto qui essaye de démarrer, non ? Et après, cet autre son, ça, il a une autre qualité, quoi. Il est juste différent. Ok. Voilà. Bon, bah, elle a refusé de nous donner son dernier souffle. Ouais, pas aujourd'hui. Mais elle, je sais pas, depuis deux jours, elle est pas contente, là. Je sais pas ce que... C'est pas comment tu sais l'air de Genève, je sais pas, franchement. Ah oui, parce que hier, il y avait quelques notes qu'elle... disons, pas vraiment des notes, mais des effets, enfin, des bruits que j'ai l'habitude de faire avec certains doigtés particuliers. Là, elle les faisait pas hier. C'était une espèce de grattement, de grincement, là, qui... D'habitude, je sais exactement où il est. Et là, c'était... Ah non, il est plus là. Peut-être que j'ai bougé l'ange sans faire exprès, je sais pas. Ou alors que, je sais pas, le changement de température, il n'y a pas revenu. Elle a vraiment une vie à part entière. Ouais, exactement. Oh, c'est beau ça. Ah bah voilà, tu vas pouvoir voir l'ange. Oh. Ah. Voilà, tu vois, petit ange en plastique. Des fois, c'est vraiment un truc tout bête, tu vois. Une petite... saleté dedans. Et c'est peut-être ça qui l'empêcherait de faire son petit son à la fin. Pas savoir. Franchement, des fois c'est encore. Des fois c'est encore un peu magique quoi. Heureusement, non ? Ouais. Alors. D'accord. En fait, t'as plein d'instruments dans une cornemuse. Oui. Au moins deux, les bourdons et le hautbois, ça s'appelle le hautbois cette partie-là. Mais après tu peux encore faire d'autres trucs rigolos. Mais c'est pas celui que je voulais. Ça c'est le grattement là que je voulais faire. C'est pas le bon, c'est pas celui qu'il faut quoi. Les bourdonnements, ils ont toujours le même son. Sur celle-là, elle est faite pour que les deux bourdons soient sur un ré à l'octave. Mais ensuite, en faisant coulisser les parties du bourdon, tu peux changer la note. Ou alors en enlevant des parties. Comme ça, ou en remplaçant celle-là par celle-là. Là, tu peux atteindre d'autres notes. Donc par exemple, là. Ouais. On fait une autre que tout à l'heure. Cette fois-ci, après son dernier souffle, il n'y a plus rien. Mais des fois, il y a quelque chose. Des fois, il y a quelque chose. Des fois. C'est magique. Et un jour, peut-être que je trouverai les paramètres qui font que ça le fait, quoi. Peut-être. Ouais. Peut-être. Tu découvriras le mystère de l'après-vie. Peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Lise. Merci Vania.